Document 4, page 36. Mesdames et messieurs, vous voulez partir en voyage? Vous voulez un sac à dos pratique, solide et pas trop cher? Le voilà, madame. Il est assez grand pour partir 3 semaines en voyage avec votre mari et vos 4 enfants. Comment? Il n'est pas assez grand? Alors, vous devez prendre aussi la valise. Elle est grande, très légère et utile pour toute la famille. Alors, madame, vous voulez essayer mon sac à dos? Très bien. Vous payez le sac et la valise 48 euros et vous emportez ce magnifique stylo gratuit pour écrire des cartes postales à vos amis. Et vous, monsieur, vous voulez un sac à main pour votre femme? Voilà un joli sac en cuir, très pratique et léger. Et il est bon marché, monsieur, 17 euros. Et avec le sac, vous emportez un petit porte-monnaie gratuit.